Alors le tableau 7 est capital, mais on n'avait pas les chiffres dans le tableau 6. Dans le tableau 6, donc j'expliquais qu'une œuvre augmente. Ah, c'est marrant ça. Ah ouais, ok, je comprends pourquoi. Donc le tableau 7, il faut un peu l'analyser avec le tableau 6 parce qu'il y a des données qui sont les mêmes. Grosso modo, dans le tableau 6, celui d'avant, on voit qu'une œuvre qui vaut 3 500 euros à terme, elle vaut le double de son prix. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, elle vaut... Ah, quel dommage que je... La copier-coller n'a pas... Elle vaut 7 000 euros à peu près. Une œuvre à 3 500, au bout de 20 ans, vaut 7 000 euros. Ça, c'est la courbe logique, ne serait-ce que parce que c'est un antiquaire qui la vend ensuite. Et que l'antiquaire... Au bout de 20 ans, vous voyez, il peut commencer à vendre ces œuvres-là, et évidemment, il les vend au prix antiquaire, au prix de l'ancienneté. Et nous, ce qu'on fait donc sur Internet, c'est qu'on assure l'évolution des prix en fonction des likes, des commentaires, des votes chez le client, vous voyez, ça c'est pris en compte aussi, du nombre de vues d'une œuvre, du nombre de vues, de commentaires qu'a l'artiste dans sa totalité ou une collection dans sa totalité. On va essayer vraiment de créer le plus grand algorithme possible pour faire en sorte que le prix soit toujours à 4%, d'accord, mais qu'il évolue un peu parfois en fonction de la notoriété de l'artiste, etc. Sans d'ailleurs que l'artiste ait à spammer, à flouder nuit et jour. C'est ridicule. C'est à nous de le faire. Toutes les sociétés font ça, elles utilisent l'utilisateur comme... Comme un esclave pour créer du contenu pour que la société devienne riche. Nous, que l'artiste s'auto-like, c'est pas du tout bon. Évidemment, il faudra s'auto-liker, mais au moins une fois. Mais on va pas passer sa vie à flouder, à envoyer 100 000 emails. On est artiste ou commercial, on n'a pas que ça à faire. D'accord? Donc ça, ce sera la société Art Valor qui fera en sorte d'assurer la cote sur Internet et que ce sera une cote réelle, une cote véritable, une cote interactive. Beaucoup mieux. Donc grosso modo, les 4%, certaines œuvres les dépasseront selon le système de cotation de Art Valor. Maintenant, on va passer dans le produit. Je suis le client, j'ai acheté un tableau chez vous, et vous avez dit que vous alliez me le racheter 4 fois le prix, que ça marche au bout de 20 ans. Comment ça marche? C'est très simple. Quand un client achète un tableau, on va dire de 1000 euros. On va plutôt dire... de 100 euros, ce sera plus simple. Quand un client achète une œuvre d'art, un petit A4 de 100 euros, nous, Art Valor, on investit 5 euros dans la société de haute finance avec qui on travaille. Eh bien, figurez-vous qu'au bout de 20 ans, ces 5 euros représentent 4 fois à 5 fois le prix de l'investissement. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, ces 5 euros, ils deviennent 500 euros. D'accord? Et comme le client a acheté le tableau 100 euros, qu'au bout de 20 ans, le tableau vaut le double, 200 euros, d'accord? Nous, on le rachète le double du prix, c'est-à-dire 400 euros. Pourquoi? Parce que déjà, quand on le rachète 400 euros, c'est sur l'épargne, donc c'est pas de l'argent qu'on a investi. Qu'on a à investir nous, c'est le client qui a mis 5% dedans. D'accord? Ensuite, c'est bon pour le. C'est bon pour le. Alors, tout ça, primo, le montage financier est faisable. Bon, puisque c'est faisable, c'est Noël, autant le faire. Nous, ça nous coûte quoi? Juste un notaire, le notaire de la place de Paris, le plus sérieux du monde, pour consigner dans des coffres. Avec des vérifications, des statuts, chambre de commerce, enfin, d'ailleurs, ça aussi, on expliquera la transparence, quoi, pour être certain, mais bon, c'est des grands groupes financiers, pour eux, c'est la routine. Mais on fera pas du Madoff, mais plutôt du Soros. D'ailleurs, j'aimerais que Madoff soit libéré de prison, parce que, quoi qu'il ait fait, enfin bon, là, c'est personnel, mais je l'ai vu se faire agresser par des journalistes, et j'ai vu que sa réaction se faisait dans la douleur. Et en effet, là, si il est puni par la loi, il est vraiment très, puni très fort par la loi. Et ça fait mal aussi de savoir sa souffrance. Mais bon, ça c'est parce que je préfère, je ne vais pas hurler au loup avec les autres, vous voyez. Je préfère me dire dans le loup il y avait un peu d'agneau, est-ce que vous voulez bien le voir? Et ça ne change rien au sort du monde de toute façon, mais bon, peut-être que je sais que c'est une. Bon, on va passer, mais c'est parce que je sais que c'est une cruauté mathématique et pas une cruauté barbare. De sadique ce que fait Madoff. Bon, revenons au sujet. Donc le client achète le tableau. Au bout de 20 ans, il peut dire à ses enfants, oh, le faites pas tomber, ça vaut 4 fois le prix que je l'ai acheté. Ben, déjà, il est fier parce qu'il a fait un bon placement. C'est bien. Sa famille sait que le tableau augmente. Sa vie chez lui. Pour le collectionneur, c'est excellent de savoir que ça vaut 4 fois le prix. Et puisque nous, en le plaçant avec 5% de son achat, et l'artiste est d'accord, et tout le monde est d'accord, et ben, comment on peut lui racheter 4 fois le prix? Ben, autant lui racheter. Grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? C'est le profit d'une société qu'on réinvestit pour rembourser presque le client. D'accord? Bon, ben, faut que j'aille vite parce qu'il y a plein de points à voir là-dessus. Donc, comment on le rachète? Il met 100 euros, on place 5 euros nous sur les 100 euros. 20 ans après, on a 500 euros, donc on peut lui racheter 4 fois le prix. Il reste 100 euros, d'accord? Il reste 100 euros qu'on a gagné en plus. On lui rachète 4 fois le prix, et en plus, il nous reste 100 euros. Bah, comment on fait? Bah, c'est tous les descendants, c'est dans 20 ans, c'est longtemps, c'est tous les descendants des artistes, des collectionneurs, des commerciaux. Des financiers, de tous les gens qui ont travaillé ou acheté du Diamvalor, d'accord, qui auront une caisse spéciale pour faire la revente. La revente au bout de 20 ans. Ça veut dire que si vous êtes artiste, vous dites, voilà, moi j'ai quand j'ai vendu mon œuvre, il y a 5% qui allait pour Art Valor, ben dans 20 ans, je suis pas sûr que mon enfant ou mon neveu ou une personne que je parraine, on peut parrainer aussi, aura du travail, ben voilà, j'inscris son nom sur la liste. Le collectionneur, pareil, ben voilà, j'inscris le nom sur la liste d'un de mes descendants dans 20 ans, et il sera automatiquement engagé dans votre société pour la revente au moins d'une œuvre d'art et il touchera 100 euros. Alors comment ça marche, le système de revente d'œuvres d'art? Bon, s'il n'y a aucun héritier, etc., et qu'il y a encore des gens dans la société, il y aura encore des. Mon but, c'est de faire en sorte que la société vive après ma mort. Pour que d'autres humains puissent en profiter. Et du coup, j'aurais créé une belle route comme ça, que d'autres que moi, mais si similaires, dont ils pourront profiter. Alors, comment ça marche? Soit c'est Art Valor, soit les héritiers d'Art Valor, mais il y a une clause, vous voyez? On est dans une charte éthique, un manifeste financier dicté par des artistes, donc avec leur sensibilité. Donc prendre en compte les générations futures. C'est bien. Déjà parce qu'on prend en compte les générations présentes. Alors prendre les futurs, c'est bien, c'est mieux. Faisons mieux, toujours, toujours. Plus infini, plus éternel. Ça, c'est une idée que j'amène, mais les gens pourront trouver des caisses avec tous ces chiffres, ces pourcentages. Ils diront, ah, avec ça, on peut faire ça. Bah, tant mieux, si on arrive à sauver la famine, tant mieux, faisons-le. 1000 fois par jour, faisons-le. Ok? Sauver des vies, sauver la condition des femmes, arrêter les guerres, etc. Tant mieux, tant mieux. Mais bon, là pour l'instant, familial, on fait en sorte que les générations futures, même pas mes enfants, j'en ai pas, mais mes neveux, moi j'écrirai le nom de mon neveu le plus pauvre. Vous voyez, et voilà, lui, il a une vente, un rachat il fera un rachat pour nous de Diamvalor dans 20 ans. Bon, alors comment ça marche? On va pas le racheter chez le client, l'œuvre. On va pas, il va pas venir en disant. Alors déjà, on l'achète la 20e année. La 19, de 0 à 19, on ne veut pas le voir, on s'en fout. Il se débrouille. C'est une course entre lui et nous. Nous, on dit on l'achète 4 fois le prix. Si tu arrives à la vendre 20 fois, 10 fois, 20 fois, 40 fois, c'est notre but d'ailleurs. Nous, on essaye de faire en sorte que ce soit plus que 4 fois le prix. On va faire en sorte que ce soit 27 fois le prix, que la collection, ce soit une collection sensée, que les gens, tous, nationalement, reconnaissent le fait que c'est une collection humaine. Dans un manifeste humain. Même à côté de ça, les surréalistes, les dadas, c'est presque des intellos qui crânent en acceptant que les autres crèvent de faim. Vous voyez? Nous, on dit, ah ben non, déjà, on va nourrir tout le monde, ça va nous aider à penser mieux, peut-être. Et la collection d'art de la Maison France et de la Maison Europe sera beaucoup plus une belle impulsion sur des bons sentiments. Moi, je dis que c'est vraiment très joli tout ça. Et ça se tient financièrement assez facilement. Pourquoi? Parce que la conjoncture de crise s'y prête à la perfection. Il suffisait juste de savoir que les commerciaux en ce moment se suicident. D'accord? Ils se suicident parce qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils n'ont plus de produits. Ben nous, on en a. Ok? Et justement, c'est un produit qu'on avait du mal à vendre parce que les galeristes étaient à la masse. D'accord? Si on attend que, alors comment se passe la revente, la deuxième revente? Le client l'a acheté, 20 ans plus tard, il téléphone, allô, Art Valor, j'ai un contrat chez vous. D'ailleurs, nous, on l'appelle au bout de 20 ans, allô, monsieur, voilà, 20 ans, vous vous souvenez, vous aviez signé un contrat avec nous. Ah non, je me souviens pas, c'est quoi? Ben, c'est qu'on rachète votre tableau 4 fois le prix. Mais alors, soit vous le vendez, mais par contre, on a regardé sur Internet, maintenant, cet artiste, il est coté beaucoup plus cher. Comme il est coté plus cher sur Internet, vous avez pu voir que sa cote a explosé. Donc, votre œuvre, vous voyez qu'elle est beaucoup plus qu'à. Donc là, j'avais fait un exemple de 3 500 euros. Et nous, on est capable de lui racheter à 14 000 euros. Il a acheté 3 500, 3 300, 3 300, 6 et 6, 12. Ouais, c'est bien ça. On est capable de lui racheter 14 000 euros au bout de 20 ans. Grâce à son épargne, d'ailleurs. L'épargne collective, en fait, les 5%, c'est nous tous, le commercial, mais bon, c'est le client qui les paye quand même. Alors on regarde, soit l'œuvre vaut plus, nous on veut que l'œuvre vaut 14 000, et il nous dit, ah ben, l'œuvre elle vaut plus, ben je vais pas jouer mon joker, tant pis, je la revends pas avec vous, j'avais la garantie, mais elle vaut 21 000, je vais pas la revendre 14 000, et au pire, vous voyez, je pourrais la vendre 18 000, donc c'est plus haut. Donc, on clôt le contrat, c'est-à-dire le contrat est clos. Voilà, merci monsieur, on vous avait fait un contrat sur 20 ans, vous ne voulez pas la racheter, mais on garde l'argent. Et puis lui, il garde le tableau qui vaut beaucoup plus. Bah, il est gagnant. Dans le premier cas, il est gagnant. Deuxième cas, l'œuvre sur Internet suit son évolution normale, 7%. Il était à 3 000, il arrive à 7 000. On lui propose de lui racheter 14 000. Bah, il dit oui. S'il a envie de la vendre, il dit ouais, je veux bien. Je l'ai acheté 3 000, 14 000, ouais, je veux bien. J'ai besoin de 14 000. Vous l'achetez 4 fois son prix, c'est fantastique. On lui rachète. Ben, toute la spéculation artistique, éthique qu'on lui avait promis, ben, elle est là, elle se passe là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que l'œuvre, elle vaut pas 14 000, elle vaut moins, elle vaut 7 000, mais nous, on lui rachète 14 000 sur contrat. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui nous donnait de l'argent et toute la perfidie du système est là. Et ben, cette personne, on lui donne de l'argent aussi. On lui a donné de l'art pendant 20 ans. C'est comme s'il louait l'œuvre et qu'au lieu de payer la location, c'est nous qui le payons. Deux fois le prix, plus on le paye 3 fois le prix, et en plus il récupère son œuvre d'art. D'accord? Alors vous allez me dire, mais comment ça marche tout ça? Eh bien tout ça, c'est ce qu'on appelle la bourse, par exemple. Quand les gens. Mais ça, c'est une formation spécifique que je peux vous donner. Une formation sur la très haute finance et sur le commerce. C'est passionnant, vous allez voir. Et d'ailleurs, là, je ne l'explique pas parce que je n'ai pas le temps. Mais je l'explique systématiquement pour Art Valor. Ce qui est bon, c'est que le commercial, lui, avec ce contrat, il vend plus facilement l'œuvre comme un placement financier. D'accord? Et puis aussi, il peut expliquer nos autres placements financiers, mais ça, c'est autre chose. Parce que c'est une concurrence interne. Pour le vent, le pour l'artiste, c'est fantastique. Je fais un tableau aujourd'hui. Je sais que dans 20 ans, il est racheté 4 fois son prix. Ben moi, dans 20 ans, si je suis encore en vie, toutes les œuvres que j'ai faites en 2013, elles se revendent 14 000 euros. Bon, ben, ça veut dire que c'est ma nouvelle cote. D'accord? Ça veut dire que si je travaille pour beaucoup moins cher, les gens se les arrachent aussi, vous voyez? Donc, ça fait monter une cote. Un artiste qui travaille un an, il arrête de travailler pendant 19 ans. Il sait qu'il peut reprendre au bout de 20 ans parce que tout d'un coup, il y a toutes ces œuvres d'il y a 20 ans qui vont être réengagées sur le marché. Voilà. Et c'est très bon Donc on a vu le vendeur parce que ça lui donne des arguments de vente, l'artiste, et le collectionneur, bah, c'est très bon parce que il sait aussi que son œuvre, elle se revend, il a fait un vrai placement, et il a une belle œuvre d'art qui vaut vraiment quelque chose. Et en spéculant, non pas avec les galeristes, en achetant des pots de conserve avec de la merde dedans. C'est un exemple, hein. D'ailleurs, c'est un exemple assez perfide de ma part, parce que c'est du bon travail en fait. Mais je schématise, d'accord? Au lieu d'acheter donc des artistes toujours les mêmes, qui font les mêmes choses, il a acheté une collection du réel, la collection des 90% des gens qui n'étaient pas vus, et donc qui ont énormément de choses à dire et des très belles choses à montrer. Et comme c'était un risque d'acheter hors marché, mais quand même dans un manifeste qui s'inscrit dans l'histoire de l'art, mais il y a quand même un risque. Bah nous, on dit maintenant, bah il n'y a plus de risque. Parce que on vous le garantit, nous. On vous garantit de faire quatre fois la bascule. Bon, parfait. Le produit est pas mal. Alors, je regarde ce qu'il y a d'autre. Ça, c'est quoi? Épargne sur garantie. Bon, voilà le tableau rapidement. Juste pour vous dire comment se passe la revente. On n'achète pas, au bout de 20 ans, on n'achète pas le tableau chez le client ne l'achète pas chez nous. On lui dit, voilà, rendez-vous telle date avec votre œuvre d'art. Vous avez une année pour vous inscrire dans telle vente de salle aux enchères. Alors je pense qu'on aura nos propres ventes de salle aux enchères d'ici 20 ans, assez facilement. Quand je dis à un artiste qui va gagner 57 000 euros par mois, vous pouvez bien imaginer que Artvalor, au bout de 20 ans, aura de quoi créer une salle aux enchères dédiée, dans la mesure où ça fait partie de son processus de rachat d'œuvres, d'accord? Au bout de 20 ans. Donc, le client s'inscrit à une vente aux enchères, si c'est la nôtre, parce qu'on l'a créée, bah, c'est chez nous. Sinon, il s'inscrit à une vente aux enchères Drouot, n'importe quoi. On peut même l'aider pour les frais du catalogue, etc. Mais ça, c'est à voir, hein. Il ne faut pas non plus être trop généreux parce qu'après, le client, enfin, quand on fait gagner beaucoup aux gens, à un moment donné, eux aussi, ils peuvent. Faut pas, faut gagner nous aussi un tout petit peu, vous voyez. Donc, bon, disons que le type, il se dit, bon, je m'inscris aux ventes aux enchères, je suis sûr que de toute façon, je paye 100, 200 euros de frais de dossier, de catalogue, de tatati. Bon, je suis sûr de toute façon qu'ils vont me le racheter 14 000 euros. En la mettant à 7 000 euros, je m'inscris. Hop, il s'inscrit. Il met l'œuvre à vendre. C'est dans le contrat. On est obligé de lui racheter. L'œuvre est à 7 000 euros. On va pas dire. Alors donc, mise à vendre 7 000 euros, première enchère. On va pas s'amuser à dire 7 010 euros. Et puis quelqu'un d'autre, 7 020 euros. Puisqu'on sait que nous, par contrat, on est obligé de la racheter 14 747 euros et 94 centimes. D'accord? Donc, dès la première enchère, le commissaire-priseur dit 7 000 euros, on lève la main, 14 747 euros, garantie Diam Valor. Voilà. Tous les gens dans la salle disent, mais merde, il est con, il n'a pas fait 10 euros par 10 euros. Ben non, c'est le contrat. C'est le contrat, on est obligé de le racheter ce prix-là. Et on ne va pas s'amuser à faire lever le bras des gens. Après, si quelqu'un veut l'acheter plus que 14 000 euros, nous, on est super contents. D'accord? Et s'ils nous disent, mais vous boostez les prix, ben non, on ne booste pas les prix, c'est le contrat. Ça fait partie du manifeste. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le tableau, tout ce que je suis en train de dire, etc., ce sera écrit et ce sera notifié comme une œuvre d'art. Pas une œuvre d'art centrale, mégalo, etc., mais une œuvre d'art qui valide tout ça aux yeux de l'histoire de l'art et qui est déposée, quoi. Donc ce sera totalement légal de racheter le double du prix dès la première enchère en disant que c'est une œuvre Diam Valor et Art Valor. Et d'ailleurs, les gens sauront qu'à chaque fois qu'une œuvre appartient à la collection Art Valor, c'est un vrai show. Pourquoi? Parce que c'est la seule fois dans une vente aux enchères où on voit un double dès la première enchère. Ok? Ça fait un coup de pub pour l'artiste, ça fait un petit coup de pub marrant, un petit instant de vie marrant pour le collectionneur. Ça fait, comme on a vu, qu'en rachetant quatre fois le prix, il reste de l'argent avec l'épargne. Ben, ça fait un salaire pour la personne qui va racheter. Et ça, c'est dans 20 ans. Ben, si des gens cherchent du travail, on dira, ah, désolé, ce travail, il est réservé que pour les héritiers des artistes, des commerciaux et des collectionneurs. Et des gens de Art Valor. Il n'y a que qui peuvent avoir ce métier. C'est un truc. C'est comme ça, parce que c'est la charte. C'est très joli comme idée de se dire que, bon, voilà, c'est. Quand je recrute un artiste, me dire peut-être que c'est son fils qui a 10 ans aujourd'hui, qui dans 20 ans aura 30 ans, téléphonera à Art Valor en disant, vous savez, mon papa, il a travaillé avec vous, il a donné beaucoup de pourcentage, il m'a parrainé pour que je travaille, il est où mon emploi? On dit, ben voilà, il y a telle vente, telle vente, telle vente, telle vente à faire. Et à chaque fois qu'il fait une vente, il touche 100 euros. Enfin, il touche. Il touche un pourcentage. Alors j'avais fait, là je sais pas si je l'ai. Attendez, je regarde. Je pense que c'est ce chiffre-là. Gain hard valeur 10 000, voilà. Pour un tableau à 3 500 euros. Écoutez bien, hein, c'est phénoménal. Mais pour un tableau à 3 500 euros, attendez, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Pour un tableau à 3 500 euros, nous, en épargnant 20 ans, parce qu'on est des caïds de la finance, on arrive à transformer 5% des 3 500 en 25 000 euros au bout de 20 ans. Et comme le tableau, on le rachète 14 000, ça veut dire que écoutez bien, quand je vous dis les héritiers, nanani, nanana, ils auront du travail, ou vous-même, hein, d'ailleurs, vous voulez, vous dites, moi, je suis hard valor, il y a quoi en rachat à faire, y a quoi? Bah voilà. Vous-même, vous aurez, en fait, comme on donne 25 000, comme on a 25 000, on donne 14 000 aux clients, il reste 10 000 euros pour les gens qui vont racheter l'œuvre. Vous voyez, donc quand je dis le type lève le bras, il a, pour Art Valor, il a 100 euros, en fait, on a 10 835 euros de marge. De marge. Et d'ailleurs, si l'œuvre est bonne, autant voir si. L'artiste, il peut nous dire, ouais, moi je veux la racheter. Bah, ça veut dire qu'il a vendu une œuvre. Il a touché 33%, et après, à terme, mais ça, c'est à voir. C'est à voir. À terme, au bout de 20 ans, il peut récupérer son œuvre qui vaut beaucoup plus, et en disant, bah voilà, je voulais donner 33%, mais je l'ai récupéré. Donc j'ai gagné 33% plus mon œuvre que j'ai encore. Mais ça, je vois. Je suis en train de voir, parce que je l'avais vu au début, et c'est peut-être pas si. C'est peut-être pas si chouette finalement que les artistes rachètent toutes leurs œuvres. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils auront tellement des bons salaires qu'ils peuvent le racheter sans que ce soit à nous de leur donner l'argent pour le faire. Mais en tout cas, Art Valor aura la capacité de racheter des œuvres. Alors là, ce sera, comme c'est dans 20 ans, même moi, je voudrais passer à autre chose au bout de 10 ans, quand la société marche bien. Moi, je me mets artiste et puis c'est tout, quoi. Et je nomme des gens, on fait un grand truc et je ferai autre chose. Mais bon, encore que peut-être que les gains feront en sorte que il sera évident pour moi de rester. On verra. D'ailleurs, s'il y a des cofondateurs qui comprennent ce que je suis en train de dire, ils sont bienvenus. Bon, on va passer à l'autre tableau et là, ça a duré 22 minutes, catastrophe. C'est trop long à chaque fois, désolé.